Bonjour Dominique Cardon, j'ai trois petites questions pour Hack Your PhD. Première question, qu'est-ce qui pour vous ne va pas dans la recherche aujourd'hui, principal, un truc qui vous dérange? C'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'accès aux publications, le partage des données, la meilleure interaction entre la science et la société. Moi, je veux dire un truc corporatiste, c'est... Moi, je trouve qu'il y a trop de chercheurs qui s'ennuient, qui ne sont pas assez excités par ce qu'ils font. Qui ont perdu leur passion. Qui ont perdu leur passion, absolument. Ouais. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que vous voudriez, comment vous imagineriez une recherche qui vous correspondrait peut-être plus ou que vous préfériez? C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut... Moi, je crois, pas au partage, mais je crois qu'il y a une activité de recherche qui est vraiment, qui a les complexités de sa propre activité de recherche, et puis qu'il y a, effectivement, il y a aussi le dialogue avec la société. Donc, en fait, l'idéal, c'est d'arriver à faire un bon équilibre entre le fait qu'on doit travailler avec notre communauté de chercheurs, et il y a des questions de chercheurs qui intéressent la communauté dans son propre langage. Mmh. Voilà. Et puis, ce qui est effectivement important et très nécessaire à côté, c'est aussi de trouver des manières aussi à la fois de discuter, pas de vulgariser, etc. C'est vraiment le modèle le plus nul, mais aussi de travailler dans des modes d'intégration dans lesquels on peut à la fois être un chercheur dans son petit univers, sa communauté, on peut aussi être un chercheur dans un projet complètement ouvert, dans lequel justement ce qu'on fabrique, c'est vraiment de la recherche, mais vraiment avec la société, le monde social, une association, un projet. Enfin, donc deux niveaux, différents niveaux. Ce n'est pas des niveaux, c'est de pouvoir faire les deux. D'accord. Voilà. Et vous avez des initiatives ou des idées comme ça, vous voyez, vous me dites, ah ben ça, c'est des bonnes initiatives que j'aimerais qu'ils se développent plus. Comme ça, non, c'est pas compliqué, je pense qu'il y en a pas mal. Bon, moi, je pense qu'il y a déjà un truc qui est vraiment passionnant, c'est l'univers des blogs de chercheurs, les discussions de chercheurs, c'est-à-dire une autre écriture, en fait, et une écriture qui se fait à beaucoup et à plusieurs. Donc, il y en a plein. Juste une, voilà, Paris-Normandie. Paris-Normandie. Ah, d'accord, je vais regarder ça. Merci.